Fawzi, est-ce que tu es là? Fawzi, le micro est libre, reste toi, est-ce que tu es libre? Toi, est-ce que tu es libre? Le micro est libre. Si tu n'es pas libre, on va voir, inchallah ta'ala, comment t'affranchir vite ici. On va nourrir 10 pauvres et on va t'affranchir. Prends le micro, Fawzi. Salam alaikum, cher. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Désolé, cher, parce que j'avais un problème avec mon micro. J'essayais de le prendre et je vous voyais toujours avec le micro. En fait, cher, c'était pour renouveler l'annonce par rapport aux dons pour la mosquée que nous sommes en train, inchallah, de construire ici dans notre ville. Et en fait, je voulais que ce soit vous qui parlez pour nous, Yanné, pour que les frères et sœurs puissent nous aider dans cette construction, Inch'Allah. D'accord. Moi, je t'ai donné le micro car je voulais Yanné, que tu dises que, voilà, par exemple, on n'a pas reçu d'argent ou bien on n'a pas reçu assez, etc. C'est pour ça que je t'ai donné le micro, pour que tu expliques un peu. Mais malish. Donc je dis ce que j'ai compris de du frère Fawzi, c'est que la fois passée il avait fait un appel pour une aide pour la construction d'une mosquée, que maintenant il dit que yani les dons ont été vraiment yani peu naam, et que à peu près 200 euros. Donc c'est dommage pour un salon où il y a 250 personnes. Si seulement on avait donné 1 euro, ça aurait fait 250, ça faisait plus de 200. Sallallahu alayhi wa sallam, dans le Cheikh Al-Albani a dit sahih, que le prophète sallam a dit que quiconque construit une mosquée, il a dit, même si c'est comme le nid d'un pigeon, le nid d'un pigeon. Vous savez, le nid d'un pigeon, c'est combien petit? Une mosquée où yani seulement une personne peut-être prier ou deux. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui construira une maison dans le paradis. Allah ta'ala lui construira une maison dans le paradis. N'ayez pas peur de la pauvreté. N'ayez pas peur de la pauvreté. Le prophète alayhi salam a juré que quand quelqu'un fait l'aumône, fils Abidla, que son argent ne se réduirait pas, mais qu'au contraire il va grandir, cet argent va yani va monter et non pas descendre. Et en donnant quelque chose fils Abidla, qu'est-ce qui va se passer? Cet argent va rentrer encore une fois en plus importante, et fais des calculs et tu verras si ça va pas rentrer encore plus. Ensuite, c'est une occasion que Allah subhanahu wa ta'ala te donne pour faire pour faire ce qu'on appelle sadaqa jariya. C'est quoi sadaqa jariya? Quand tu aides à construire une mosquée, ça veut dire que tant que cette mosquée ne sera pas détruite, tant que chaque personne qui va y prier, ou bien lire le Coran à l'intérieur, ou bien dire subhanallah, alhamdoulilah, tout ce qui se passe dans cette mosquée, subhanallah al-adim, tu vas avoir une part de récompense jusqu'à ce que la mosquée soit détruite. Imagine combien d'années va rester une mosquée. Des centaines d'années. Tu es dans ta tombe des centaines d'années et les hasanats vont t'arriver. Et subhanallah, quand tu seras dans la tombe et que tu verras les hasanats arriver, naam, tu vas dire Allahu Akbar, je suis vraiment fautif, pourquoi ce jour-là yani le shaitan yani m'a vaincu, j'ai pas donné, subhanallah al-azim. Donc voilà le blog ou le lien où si quelqu'un veut faire un don, qu'il le fasse, et que toute personne qui fait un don, qu'elle sache que yani c'est pour elle. Non, tout ce que tu fais, c'est va revenir vers toi et c'est pour ton bien. tu ne vas aider personne. Tu vas t'aider toi-même pour entrer au paradis. Naam. Je reviens à la question, inshallah ta'ala. Tfadlal. Afwan, cher Barakallahu fik, pour avoir intervenu. Et les frères, vous remercie. Barakallahu fik, cher.